Chapitre 4. D'un commun accord, Erwan et Anaïk évitaient de se rencontrer. « Plus tard, avait dit le jeune homme, pour le moment, évitons de heurter Yann, laissons-en le soin d'endormir son mal, d'apaiser sa jalousie et de cicatriser la plaie de son cœur. » Et Anaïk, craintive, comprenant que jamais Erwan ne sacrifierait l'amitié à l'amour, le frère à la fiancée, s'était tue, s'était faite petite. Pauvre hirondelle, apeurée que le vent de tempête ballottait et pouvait engloutir, elle fermait les yeux, frissonnante, pour ne pas voir le ciel nuageux de son terne avenir. Cependant le hasard, ce dieu malin, qui se joue des plus belles résolutions comme des plus savantes manœuvres, mit un jour en présence Anaïk et les jumeaux. Simple rencontre où quelques phrases banales furent seulement échangées. L'œil le mieux exercé, l'oreille la plus attentive, n'aurait pu ni voir, ni entendre la moindre chose anormale dans la façon toute naturelle avec laquelle Erwan et la jeune fille se parlèrent. Mais Yann interpréta leurs moindres gestes, leurs moindres inflexions de voix, leurs moindres regards, comme à travers un microscope. Dans la voix, il trouva une caresse, dans les yeux une flamme vive et tendre, dans la chaude carnation d'Anaïk un aveu, dans la pâleur du frère une passion violemment réprimée, dans leur sourire discret, le plus sanglant défi jeté à sa face d'amoureux et conduit, et le malheureux sentit renaître en lui toutes ses souffrances et toutes ses haines. Un tremblement nerveux le secoua. Une faiblesse fit fléchir ses jambes. Son visage se crispa effroyablement, et c'est en vain qu'il essaya de redresser sa haute taille. Une défaillance passagère le vieillissait de 10 ans en quelques minutes. Comme un automate, il marcha auprès de son frère. Un chaos épouvantable tintait à ses oreilles, l'empêchant d'entendre la douce voix d'Erwan qui s'inquiétait de son silence. Puis, la faiblesse passée, une rage sourde le prit. Il repoussa brusquement, brutalement même, le bras que l'autre avait passé sous le sien pour le soutenir dans sa marche chancelante. Était un fauve blessé, pour regagner son antre, il partit en courant au hasard, vers quelque coin de la falaise où il put crier librement son immense détresse. Erwan n'essaya pas de l'arrêter dans sa fuite. Arrêté par ce drame terrible qu'il devinait, presque aussi faible que Yann l'avait été quelques minutes auparavant, les bras ballants, un morne découragement l'envahissant soudain, il s'assit lourdement à terre. Les yeux au loin sur la mer bleue, où les vagues se jouaient, la crête couronnée de blanc, il réfléchit. Oh, les affligeantes réflexions! Ce grand garçon si bon et si naïf, qui croit qu'il suffit de vouloir rendre les gens heureux pour qu'ils le soient, qui n'hésite pas à imposer silence à son amour pour ne pas froisser l'autre, est douloureusement surpris du résultat de son sacrifice. Il faut donc plus encore pour satisfaire le frère. Et il pleure de son impuissance. Larme précieuse entre toutes les larmes que celle bien amère qu'il versa ce jour-là. Un ange dut les recueillir pour en former la plus belle opale qu'un homme ait jamais offerte à un autre. Il comprend qu'il faut renoncer à Anaïk pour éviter les pires malheurs. Yann, son père, sa mère. Si ce mariage se faisait, se dit-il, mon frère mourrait. Il frissonne. Il ne faut pas qu'il meure. Non, il ne faut pas qu'il meure. Et cette pensée s'ancre dans sa tête. Yann vivra donc, mais lui alors? Homme grossier, sans instruction, ce n'est pas à son savoir, ni même à son cœur, qui serait faible et peut-être lâche, qu'il demande une inspiration. C'est sa conscience et le devoir qui l'appellent à son aide. Et la lutte terrible entre l'amour et l'amitié commence dans son âme. C'est son cœur qu'il s'agit d'ensevelir. Son cœur est celui d'une autre. Ah, si lui seul pouvait subir toutes les souffrances, mais toujours, il lui faudra porter le poids d'avoir volontairement brisé une autre existence qui lui est plus chère que sa propre vie à lui. Il frémit, et son sein gonflait d'une tristesse qu'aucun mortel ne saurait comprendre. Dans sa tête troublée, il entrevoit la vie qu'il aurait eue avec Anaïk, les joies ineffables qu'il aurait ressenties, les enfants forts dont il eût été fier. Le long chapelet de jours heureux a égrené jusqu'à la mort, et il lui faut renoncer à cela, à tout cela, pour son frère. Son frère. Le lâche, l'égoïste, auquel tout doit céder, qui, la menace aux lèvres et la haine dans les yeux, impose sa volonté. Pour la première fois, il l'accuse. mais aussitôt il ressent dans sa chair comme un profond tiraillement qui le déchire, et la sensation est si atroce qu'il ferme les yeux. Accuser son frère, c'est s'accuser lui-même. Un lien trop subtil existe entre eux, et rien que d'y toucher le blesse. Sous deux formes distinctes, ne sont-ils pas au fond qu'une unité? Enfants de la même mère, le même jour ne les vit-il pas naître, et n'ont-ils pas sucé le même lait, vécu et grandi sous le même toit, souffert des mêmes peines et ri des mêmes joies? Alors, folie que de vouloir renier tout cela. Leur sang, leur fibre tout entière, crierait de douleur si une main brutale voulait les séparer, et c'est de son plein gré qu'il le ferait, lui. Un doute, maintenant, s'enfonce dans son cœur comme un couteau tranchant. D'avoir eu cette pensée, rien qu'un instant, il se désole, se croit coupable, et l'image de son frère en larmes le hante comme s'il était criminel. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de douleurs? Est-ce que l'amour qu'il ressent pour Anaïque peut excuser tout ça? Est-ce que cette femme, qui en dehors de cet amour ne lui est rien, vaut qu'il lui sacrifie tous les siens? Plus que jamais, il est résolu sur ce qu'il doit faire. Devant ses yeux fatigués à force de fixer le bleu lointain de la mer, deux figures se dessinent, celle de Yann enfant et de leur mère souriante. Et cette vision brusque évoque à sa mémoire les jeux, les promenades, les travaux de son enfance, ses joies et ses premiers chagrins, avec toujours à ses côtés le frère chéri pour les partager, ce l'œil attendri et inquiet de Catherine qui craint de voir se réaliser la fatale tradition attachée à leur naissance. Longtemps il reste immobile et rêvant à cette horreur de sa vie, dont les phases les plus éloignées lui sont présentes comme si c'était la veille qu'il les eût vécues. Ce rêve prend possession de lui-même au point qu'il en oublie sa détresse. C'est un baume, un calmant qui endort son mal, et petit à petit, sans heurts et sans violence, la nécessité de renoncer à son amour pour ne pas briser ce passé qui lui est plus cher que tout s'impose à lui. C'est sans amertume qu'il envisage son terne avenir, sans joie, sans femme, sans enfant. Et pourtant, il ne se fait aucune illusion. Jamais il n'oubliera Anaïque, jamais son cœur n'aimera deux fois. Il pleure encore maintenant, mais aucune aigreur ne se mêle à ses larmes. Elles lui sont douces, au contraire, et cette rosée bienfaisante amollit la rudesse de son sacrifice. Jusqu'au crépuscule, il reste là à méditer, et ce n'est que lorsque le soleil s'abîme dans la mer qu'il se lève et lentement regagne sa demeure.